Mémoire d'une rose par Gourdon de Genouillac. Chapitre 1er. J'ai vu le jour dans un magnifique jardin. En cet asile où se sont écoulés les plus beaux moments de ma jeunesse, j'avais de nombreuses compagnes. De larges parterres étaient garnis des fleurs les plus belles et les plus précieuses. Les lys aux blancs pétales, les tulipes aux luxuriantes couleurs, les dahlias largement épanouis, le pâle chèvrefeuille, la timide violette, le cactus, le magnolia, en un mot, de fraîches et brillantes fleurs peuplaient ce délicieux éden. Toutes les personnes que je visitais ne manquaient pas de les louer, mais mon père, superbe rosier sans feuilles, excitait l'admiration universelle. Aussi, à peine eus-je ressenti la bienfaisante chaleur des rayons du soleil qui me fit éclore, que j'étonnais tout le monde par le suave parfum dont j'imprégnais l'air, et par la tendre couleur de mes pétales, décolorés aujourd'hui, mais qui alors étaient d'une nuance admirable. J'étais heureuse d'entendre dire que j'étais belle, et ces flatteries me transportaient d'aise et de plaisir. Mais ce qui répandait surtout en moi un sentiment inexprimable de contentement et de bonheur, c'était l'amitié que me témoignait la jeune fille à qui j'appartenais. Elle était si bonne, et puis c'était grâce à elle que ma famille vivait au milieu du bien-être et de la tranquillité dont elle jouissait. Jadis, mon père n'était qu'un pauvre rosier végétant tristement sur un maigre coin de terre, toujours seul, et ne recevant d'autres visites que celles d'un homme grossier, qui torturait chaque jour ses branches frêles et délicates, afin, disait-il, de lui donner plus de grâce et d'élégance, et ne cessait de l'accabler de reproches de ce que, selon son raisonnement, mon père ne lui rapportait jamais de quoi se payer des peines que sa culture lui avait coûtées. De quel droit cet homme barbare voulait-il refaire le naturel de mon père? Est-ce que notre bonne mère commune, la terre, ne nous fait sortir de son sein que pour être torturés et flétris par la main des hommes? Que demandons-nous? À vivre tranquillement, sans nul souci des pensées et des préoccupations qui agitent les humains. Recevoir les caresses de l'air, sécher les pleurs de la rosée, accueillir le papillon qui nous aime, c'est là toute notre ambition. Enfin, un jour, le possesseur de mon père l'arracha brutalement de la terre, malgré ses plaintes et ses gémissements, le plaça dans un vase étroit où ses racines se brisaient, et le transporta en cet état à l'aide d'une charrette, en compagnie de pensées de pivoines et d'autres fleurs sur une place publique, où il venait chaque semaine en mettre en vente. Une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'une belle jeune fille au gracieux visage s'arrêta devant l'avide marchand, et ayant aperçu le rosier, mon père, elle l'acheta. Quelques jours après, mon père était parfaitement exposé aux rayons du soleil dans une terre vivifiante. Il ne tarda pas à devenir un des plus beaux ornements du jardin. 3 mois plus tard, je vis le jour, et depuis ce moment, cette bonne jeune fille ne nous quitta pas. Elle aimait à se pencher sur moi, et m'admirait avec une joie toute enfantine. Aussi, je me pris à l'aimer, et j'étais toute joyeuse lorsque je la voyais accourir vers moi. De quels soins ne nous enterra-t-elle pas, moi et les miens? La terre où nous vivions était-elle séchée par la chaleur? Elle la rafraîchissait par une rosée bienfaisante qu'elle versait elle-même. Les chenilles, nos hideuses ennemies, essayaient-elles de grimper sur le feuillage qui nous entourait? Elle les en chassait et les écrasait sans pitié. En un mot, elle n'avait qu'un désir, celui de me rendre l'existence douce et calme, et je lui gardais une profonde reconnaissance pour ses bienfaits. Hélas, qui peut répondre de l'avenir, et qui m'eût dit, en me voyant insouciante et folle, aspirer avec amour le souffle de la brise qui passait en m'effleurant délicatement, que de tout ce bonheur, il ne me resterait que le souvenir. Il y a peu de temps, la jeune fille se dirigea de mon côté, mais cette fois elle n'était pas seule. Un jeune homme un peu plus âgé qu'elle l'accompagnait. Ils marchaient en causant ensemble. Bientôt, ils s'arrêtèrent et s'assirent sur un banc de pierre placé non loin de mon père. « Maxime, » dit la jeune fille en s'adressant au jeune homme, « savez-vous bien que j'ai grande envie de vous gronder ?»« Comment, monsieur ? Voilà 2 jours que je ne vous ai vu. Vous êtes un vilain. Autrefois, vous étiez toujours près de moi. Et maintenant, c'est pour vous une fatigue de venir passer 1 heure ici. C'est très mal. Combien vous êtes injuste, Aurélie. Ne savez-vous pas que le comte, mon père, tient absolument, avant de faire la demande de votre main à monsieur le duc d'Isel, que ma nomination d'auditeur soit certaine? Oui, ma chère cousine, voilà 2 jours que je travaille comme un esclave. Est-ce que, si je n'étais retenu loin d'ici par un motif impérieux, je pourrais demeurer aussi longtemps sans vous voir et vous dire que je vous aime, méchante? Allons, fit Aurélie avec un charmant sourire, pardonnez-moi, et ajouta-t-elle, voici pour vous dédommager de la peine que mes paroles ont pu vous faire. Puis elle prit dans la poche de son tablier une paire de petits ciseaux et, l'approchant de moi, me sépara de mes sœurs et de mon père. La douleur me saisit. J'eus comme le vertige. Je me sentais aller et venir en ignorant ce qui me faisait agir. Aurélie me regarda avec plaisir et, sans comprendre le mal qu'elle m'avait fait éprouver, elle m'éleva dans ses doigts et me plaça dans la main de Maxime, qui la remercia avec effusion, puis, s'adressant à moi, « Chère petite fleur, me dit-il, tu es bien belle. Je te porterai en souvenir d'elle. » Et il m'attacha la boutonnière de son habit. Quelques instants après, il prit congé d'Aurélie et partit en m'emportant.